Madame, qui ça s'agit pour avec le pamnan pour qu'on arrive? Fais tout ça, dit nous fait. Juste fais. Fais gagner si ce que j'ai fait en moi. T'es servi pour jouer, yo. La vie croyou d'après coup, yo. Mais yo te go en pire. Je dis, t'es servi, t'es yo. Y'a tout chayou de l'oua bouche. Prends-tu comme notre dosa. La goûte. Chef Cambis, la goûte de l'eau qui t'est tourné divillon. Les pattes qu'on est, les pattes qu'on prend qui vont te faire sentir. Les démarrés à Koussa ou même on fait les contraires ou c'est les pis bon divin. Qui sait qu'on y est où ça Jésus fait premier miracle. Ou même Jésus qui la jodia. C'est